Épilogue. Le coquet petit hôtel du comte de la Guérinière maintenant se trouvait entre les mains de la justice. Pour la Branquet et sa brigade le visitèrent de fond en comble, arrêtant au fur et à mesure qu'ils les découvraient dans leurs cachettes, plus ou moins ingénieuses, les hommes de Zigomar qui tenaient ici divers emplois ou étaient venus pour le dernier coup tenté par le bandit. Les aides connurent les douceurs des menottes et les cahotements du panier à salade qui les conduisit au dépôt. C'était victoire complète pour Paulin Broquet. Quant au baron Dupont, on le transporta dans une des chambres où Robert, qui avait tous les dévouements, consentit à lui donner également les premiers soins. Sous le coup de massue en caoutchouc que ce brave Lamorce levait à ses nez, la belle âme de ce sacripant n'était pas encore sortie du corps, toutefois fameusement endommagée. Quand Robert eut établi un bandage autour de la tête du baron, l'oncle de Zigomar, qui semblait mort, peu à peu revint à la vie, se rattrapa. On ne saurait croire, dit Lamorce, combien ces bandits ont la vie dure. Après un coup comme celui que j'ai donné au baron, un honnête homme serait mort. Lui s'en portera mieux. Cependant, quelques heures après, le baron Dupont fut pris de délire. Il parla, dit des choses sans cohésion, fit des récits sans suite. Puis, se dressant sur son lit, il cria : Montreuil ! Ah, tu refuses, Montreuil ! Tu ne veux pas chanter ! Tu en as assez de verser de l'argent pour ton fils, eh bien, tu en donneras encore, non? Alors je le prends, nous le prenons, tu n'en veux pas? Tiens, tiens! Et tout en parlant, il simulait une scène de meurtre. Il avait saisi son oreiller de la main droite et le serrait fortement, comme s'il étranglait quelqu'un, et de la main gauche, dans laquelle il pensait tenir un couteau imaginaire, il poignardait l'oreiller, croyant assassiner le banquier. Paulin Broquet, les frères Montreuil assistaient à cette scène terrifiante. « Allons, dit Paulin Broquet, voici qui nous dévoile le secret du meurtre de M. Montreuil et qui enlève un peu de l'horreur que les révélations de Zigomar ajoutaient à ce crime. Ce n'est pas Zigomar qui a frappé le banquier. Le malheureux père n'a pas été tué par son indigne fils. Il n'y a pas eu parricide. L'assassin, le voici. Voyez, il est gaucher. Il frappe de la main gauche. Cela confirme mes pronostics. Ce que j'ai dit dès les premiers pas de l'enquête. « Mon cher ami, dit Raoul, vous êtes étonnant. Nous ne saurions trop vous féliciter, nous vous admirons. » Quand Raoul et Robert, quelques heures après tous ces événements, enfin rentrèrent chez eux, Paulin Broquet leur dit « Je vous accompagne parce que j'ai oublié dans l'appartement que vous avez si gracieusement offert à la betterave un paquet bien ficelé auquel je tiens beaucoup. Nous vous l'enverrons demain, par Marcelin. Non, non, je tiens à le prendre tout de suite. » Ils montèrent tous trois dans l'appartement des jeunes gens. Robert et Raoul constatèrent l'absence de leur valet de chambre. « Il a dû prendre la fuite, » dit Raoul, en apprenant la défaite de ses amis, de Zigomar. Mais Paulin Broquet ouvrit l'armoire de Robert dont il avait emporté la clé, et il montra, solidement ficelé, le valet de chambre Marcelin. Marcelin, qui écoutait aux portes, avait été pris dans son espionnage et mis par Paulin Broquet en lieu sûr. « C'est lui, » révéla le détective aux deux frères, qui a prévenu Zigomar du cambriolage que vous vouliez entreprendre contre le coffre-fort du notaire. C'est lui qui apporta le poignard qu'il prit dans la panoplie et avec lequel on blessa le veilleur de nuit de maître Béjanet pour égarer les recherches de la police. Le valet de chambre Marcelin alla rejoindre ses camarades au dépôt. Le plus étonné dans tout cela fut M. Mathieu, la betterave, quand il se réveilla dans la soirée et apprit qu'il s'était battu avec le comte de la Guérinière et l'avait tué. La betterave n'y comprit jamais rien, car Paulin Broquet, pince sans rire à ses heures, ne lui révéla jamais qu'il l'avait endormi et qu'il s'était mis à sa place. Au fond, la betterave ne discerna pas s'il s'était battu ou non. Il finit par accepter les compliments et il goûta cette gloire de passer dans le pays du sucre de betterave pour un terrible spadassin. Maintenant que nous voici débarrassés des bandits, voyons ce que sont devenus les honnêtes gens. Nous entrons alors dans le cercle où l'on s'aime. L'entente de Riri et de Raoul fut ratifiée, proclamée. On les fiança peu après. Le comte de Valtour fut tout heureux de fiancer au docteur Robert sa fille, la jolie reine. Paulin Broquet put, à l'aigle, fournir au terrible maire d'Itonville la preuve qu'il avait été volé, non par son malheureux gendre, mais par des malfaiteurs de profession, par les aides, par la bande de Zigomar. Il lui dit que M. Laurent avait recouvré sa fortune et gagné de fortes sommes. Alors M. Billemont consentit à retirer sa plainte et il vint à Paris embrasser son gendre et sa fille. Monsieur Laurent, ayant tout appris, heureux de retrouver sa femme bonne, charitable et fidèle comme toujours, dès sa sortie de prison, courut chez André Girardet pour le remercier de ce qu'il avait fait pour lui. Les fiancés allèrent à Orléans assister au mariage du capitaine de Casaumont et d'Alice de Briailles, qui vinrent à Paris en voyage de noces assister au mariage de leurs amis. Il fut convenu que les trois mariages de Raymonde et du capitaine de Rennebois, de Riri et de Raoul, d'Irène et de Robert, se feraient le même jour. Naturellement, Paul Abroquet, Gabriel, Lamorce et même le clown Simon y assistèrent et partagèrent la joie qui était un peu leur œuvre. André Girardet se fit transporter à la cérémonie. Il voulait y assister. Ce fut d'ailleurs dans sa villa toute fleurie que la fête eut lieu. Puis les trois couples s'éparpillèrent pour revenir bientôt. Marie Labossu et André Girardet, tous deux infirmes, tous deux qu'on n'aimerait jamais d'amour, se sentaient comme unis par leur infortune. « Pour être heureux, dit Labossu à l'infirme, nous devons tous deux nous raconter le bonheur de ceux que nous aimons. » Et tous deux, entourés, choyés, chéris, eurent de longs récits à se faire, car il y avait autour d'eux beaucoup de bonheur. Mais Paulin Broquet pensait toujours à Thom Twig, qui avait pu fuir en lançant comme un défi suprême le cri de Zigomar, « Za la vie, za la mort !» Paulin Broquet pensait aussi à la merveilleuse inconnue, à la radieuse femme rousse. Ainsi s'achève « L'heure de la justice », livre troisième, de Zigomar, par Léon Sazy.